Taïb, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui peut nous rappeler certains conseils qu'a évoqué Cheikh Saïd alayhi rahmatullah fi hadhihi al-muqaddima al-atira? Qui peut nous évoquer certains conseils qu'a évoqué Cheikh Saïd dans son introduction, dans sa très belle introduction qu'il a faite du livre Qawaid al-Muthla. Ha, Muslim. Naam, ahsant. Le fait qu'il ait enjoint les étudiants en sciences à plonger dans l'apprentissage des sciences qui ne sont pas obligatoires à tout à chacun parmi les musulmans. Ahsant. Wa. Ar-ruju' ila al-haq. Le fait de, lorsque tu commets une erreur, le fait de te ressaisir et de revenir de ton erreur par un repentir sincère et en la corrigeant. Naam. Wa. Aïe, naam. An la yatakallam illa fima yutqinu. Que l'étudiant en science, il se doit de ne pas parler, de ne pas lancer sa langue, si ce n'est dans les sujets qu'il maîtrise. Naam. Wa kadhalik. آخر فائدة التي كنا فيها ها ما يتعلق بالكبر en ce qui concerne l'orgueil et le fait qu'un individu ne veuille pas faire tawbah, ne veuille pas se repentir d'une erreur ou d'un péché qu'il a commis, parce qu'il pense que lorsqu'il se repent en Allah, Azza wa Jal, qu'il se repent à Allah plutôt, il y a en cela une diminution de son mérite. Ça, en vérité, c'est considéré comme quoi, ya ikhwan? Comme s'il s'enorgueillissait face à Allah, Azza wa Jal. Comme s'il s'enorgueillissait face à une des adorations parmi les adorations d'Allah, Azza wa Jal. Et cette adoration n'est autre que le tawbah, le fait de se repentir. فلا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يخفض قدر الشخص يقوم بعبادته أبدا. فالذي يتوب إلى الله عز وجل قام بعبادة عظيمة جليلة. Celui qui se repent à Allah عز وجل, en vérité, il a accompli une très grande adoration. Et toute personne qui accomplit ou qui obéit à Allah Azza wa Jal dans une chose, jamais il ne se verra rabaissé. Jamais il ne se verra rabaissé. C'est des nasa'ih. Jalila. Kulluna muhtajun ilayha. On est tous dans un besoin absolu vis-à-vis de ces conseils qu'il a donnés au début de ce dars. Et donc là on termine, et Inch'Allah, on va rentrer dans le livre aujourd'hui, Inch'Allah. On termine ces très beaux conseils de Cheikh Saïd. Et en fait, quand tu analyses tous ces conseils, tu vois que le Cheikh, il a fait preuve d'un excès de miséricorde envers ses toulab. Un excès de miséricorde envers ses étudiants, lorsqu'il leur a donné des clés pour rentrer dans l'étude de la science. Et ces clés ne sont autres que ces précieux conseils qu'il a donnés. Celui qui applique ces conseils, il va trouver qu'il réussit dans talab al-ilm. Il va trouver la réussite dans l'apprentissage de la science. Et l'apprentissage de la science, c'est Ikhwan, c'est pas khas biman safar. L'apprentissage de la science, c'est pas spécifique à celui qui voyage. Bila shak que le voyage, il n'y a aucun doute que celui qui voyage pour apprendre la science, lui, il a atteint un degré. Et son affaire est, on ne peut plus méritoire. Mais tu peux apprendre la science, wa anta fi baytik, bayna ahlik wa awladik, ala al-kutub wa ala sima'i al-ashrita, wa ma ila dhalik. فالزم هذه النصائح الجميلة الموفقة. عبد الملك تعال. تعال اجلس هنا. طيب. Donc on continue dans ces très beaux conseils que nous a donné notre cher Saïd, alayhi rahmatullah. Qala, faya ma'char al-tullab, faya ma'char al-tullab al-ilm, ma ahwajana ila an nuwattina anfusana ala hadha al-sayr, alladhi ma tara alayhi ahadun illa najjahu Allah, azza wa jal, wa ma salakahu talibu ilmin, wala abdun illa balag al-ghaya. Donc le cheikh est continué, il dit « Ô vous groupe d'étudiants en sciences, nous sommes tous autant que nous sommes en besoin d'appliquer ce genre de conseils. Madame, nous avons vraiment besoin d'appliquer ce genre de conseils. Et nous avons besoin de préparer nos propres personnes à voguer sur cette voie-là, la voie des gens de la Sunna, la voie des gens de la Sunna, qui est une voie que aucune personne n'emprunte sans qu'elle se voie sauvée par Allah Azza wa Jal. Une voie que aucun étudiant en sciences ou aucun serviteur ne se voit emprunter sans qu'il n'atteigne des sommets. Wala abdun illa balag al-ghaya. Illa balag al-ghaya. Wawasala ila al-nihaya. Allati yuriduha. Wa innama yatasaqatu fi al-tariq. Wa innama yanharifu an hadha al-minhaj al-azim. Man takhallafa an hadha. المنهج النبوي العظيم الذي هو الحرص على التفقه والوقوف عند حدود الله عز وجل وعدم الاستكبار عن التوبة والإنابة والاستغفار فإن زللت توب إلى الله عز وجل. نعم. Et en vérité, ceux qui s'égarent et ceux qui dévient du droit chemin ne sont que ceux qui se sont détournés de la voie et se sont détournés du cheminement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ensuite il répète, il dit, si tu commets une erreur, et quand il dit zèle là, ça peut être une erreur ou un péché, si tu commets une erreur, tu sais que c'est une erreur, repends-toi à Allah Azza wa Jal, et n'aie pas honte de cela. Kullu bani Adam khatta wa khayru al-khata'in at-tawwab. Il n'y a pas quelqu'un qui est préservé, il n'y a pas une créature qui est préservée de tomber dans l'erreur ou de tomber dans les péchés. Même le plus grand savant, ya ikhwan. Et en vérité, c'est là que tu comprends d'où les gens, en général, ils s'égarent lorsqu'ils honorifient les gens pieux ou les dévots, que ce soit les gens, les savants ou autres. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas commettre des péchés. Or, ceci est une erreur. Si les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont les meilleurs des créatures, on a trouvé chez eux celui qui a commis la fornication, celui qui buvait de l'alcool, celui qui... alors que ce sont les meilleurs des créatures, ça veut dire que ceux qui viennent après ne seront pas plus préservés que eux-mêmes. Et que le péché, ils peuvent y tomber. Le péché est une chose qui peut arriver même pour les gens considérés comme étant les plus pieux. ثم قال فقل جزا الله خيرا أو جزا الله عبدا نصرني بعبدي بعيبي نصرني بعيبي. Et ensuite il dit, et invoque Allah Azza wa Jal en lui demandant qu'il récompense un serviteur qui t'a secouru en t'évoquant ton défaut. Nasarani bi'ibi. Qui t'a secouru en t'évoquant ton défaut. Et c'est ça la véritable khouaya, ikhwan. C'est ça la véritable amitié. Al-Muslim mir'atun li akhih. Al-Muslim mir'atun li akhih. Le musulman, c'est le miroir de son frère. C'est avec ton miroir, c'est avec le miroir, le reflet du miroir, que tu vois tes défauts. Hein? Fahakada. وليس الأخوة أن تجمل أن تجمل القول لأصحابك لا بل كن ناصحا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, celui qui voit un mal, qu'il le corrige par sa main s'il ne peut le faire, alors par sa langue s'il ne peut le faire, alors qu'il le corrige par Mada, son cœur. Alors qu'il le corrige par son cœur. Naam. Falihada, la véritable fraternité, que ce soit chez les hommes ou chez les sœurs, c'est qu'on se conseille le bien. Que ça plaise ou non, que ça plaise ou non, on se doit de se conseiller le bien et de s'interdire le mal. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالدين مبني على النصيحة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم. أي جميع الناس جميع المسلمين لا بد لهم من نصح وتوجيه وإرشاد. Donc là, le cheikh, il dit, et n'hésite pas à invoquer Allah pour une personne qui t'a secouru en t'évoquant tes défauts. Wa kafa bil mar nubulan an tu'addu ma'aibahu ma'aibuhu hadha in taba amma idha istakbara fa kafa bihi jurman wa kafa bihi dhamman wa maqatan wa suqutan. Il suffit pour une personne qu'elle compte ses péchés et qu'elle compte ses erreurs pour qu'elle soit considérée comme intelligente. Qu'elle se rappelle de ses péchés, qu'elle se rappelle de ses erreurs. Et ça, c'est si toutefois elle s'est repentie. Ça, c'est si toutefois elle s'est repentie. Naam. Mais si elle ne se repent pas, فماذا lui-même s'il compte ses péchés, il se verra toujours dans un égarement et il se verra toujours blâmé et critiqué. نعم. ثم قال وان تعد معائبه وان تعد معائبه التي يستكبر على الله فيها ولا ينقاد فيها لامر الله ولدينه وشرعه. Al-Muhim, son dernier conseil avant qu'il rentre dans le livre, c'était sur le fait de ne pas s'enorgueillir. Là, tu rentres dans Talab al-Ilm, là, tu rentres dans l'étude de la science, et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'honore en te faisant grimper jusqu'à ce que tu atteignes les plus hauts des degrés. N'oublie jamais ces conseils. N'oublie jamais ces conseils. Même si tu as atteint un très grand degré dans l'ilm, ne t'enorgueillis pas. Si tu te trompes, dis « akhtat » ou « atubtu ila Allah » ou « radi'ata ila sawab » نعم. قال وهذا الكتاب يا إخوان الذي هو أحد كتب العقيدة للعلامة محمد بن الصالح ابن سليمان الوهيبي التميمي المشهور بابن العثيمين عليه رحمة الله، أحد كتب العقيدة وقواعد الأسماء الخاصة بأسماء الله والصفات، الخاصة بالأسماء والصفات. Donc ensuite, il dit, et ce livre, mes frères, est l'un des livres concernant le dogme, concernant la croyance. Un livre qu'a rédigé le noble savant Mohammed ibn Salih ibn Sulayman al-Wahaybi al-Tamimi al-Mashhur ibn al-Uthaymin, connu sous le nom de Ibn al-Uthaymin. Pourquoi il est appelé Ibn al-Uthaymin? Abba Asya ou Abba Abdillah, Afwan. Pourquoi on l'a appelé? Alain, il dit Mohammed ibn Salih ibn Sulayman. Ma honnak Uthaymin. Ewa. Voilà, un de ses arrière-grands-parents, il s'appelait Uthman. Il s'appelait Uthman. Et de là, ils ont dérivé le nom et ils l'ont appelé Ibn al-Uthaymin. Ibn al-Uthaymin, en souvenir de l'un de ses arrière-grands-parents, qui s'appelait Uthman. C'est qui a évoqué cette faïda? Hein? عبد المحسين العباد حفظه الله ورعاه. C'est un diminutif. كثيرة جدا صياغ التصغير. نعم. Donc là, Cheikh Saïd, il nous dit que ce livre fait partie des livres de la croyance. Le livre de Cheikh Al-Uthaymin fait partie des nombreux livres rédigés sur le sujet de la croyance. أحد كتب العقيدة وقواعد الأسماء خاصة بالأسماء والصفات. Et c'est un livre qui va parler plus particulièrement des noms et des attributs. Des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. وهذا الكتاب عند التأمل مأخوذ من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية المتناثر في مصنفاته ولا سيما كتاب الرسالة التدمورية التي هي خاصة في بيان القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات. Et donc là, c'est la première faïda que Cheikh Saïd nous donne au sujet du livre de Cheikh Al-Uthaymin. Qu'en fait, ce livre-là, c'est pour une grande partie de celui-ci un résumé du livre de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. التدموريه. Donc Cheikh Al-Uthaymin il s'est beaucoup inspiré des écrits de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah pour faire ce livre là et parmi les livres dont il s'est le plus inspiré le livre Risalat at-Tadmuriyya. At-Tadmuriyya. نعم. وهذا الكتاب نفع الله به نفعا عظيما وهذا دليل على حسن المقصود المقصد على حسن المقصد وعلى سلامة النية عند صاحبه فإن الإنسان إنما يرفعه الله بما ترك وراءه من العلم والخير بقدر صلاح نيته وسلامة مقصده. Et donc, Cheikh Saïd, il poursuit et il dit que ce livre est un livre extrêmement bénéfique et très utile extrêmement bénéfique et très utile pour tout un chacun parmi les musulmans. Et ceci montre que Cheikh Al-Uthaymeen, lorsqu'il a rédigé ce livre-là, il était sincère. Et il avait une bonne intention. Car certes, Allah subhanahu wa ta'ala élève l'auteur d'un livre après sa mort, surtout par sa bonne intention. Et le fait qu'il ait un but pieux lorsqu'il a rédigé ce livre. نعم. ثم قال وهو كما تعلمون القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى عبارة عن قاعدة ينطلق منها طالب العلم لمعرفة أحكام أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فهو كتاب نفيس جدا على صغار حجمه وهكذا أيضا كتاب يعتبر قاعدة لطالب العلم ينطلق منها إلى تفاصيل المسائل في العقيدة. Donc ce livre là, Qawaid al-Musla, Cheikh Saïd il dit que c'est un livre qui regroupe les plus grands ou les plus importants fondements de la religion qui concernent les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire que c'est un excellent chapitre pour débuter la connaissance au sujet des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. فَمَنْ فَهِمَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَعَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عَلَى فَهْمِهِ فَيُبْشِرْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ إذا استمر على دراسة هذا الفن وعلى المطالعة فيه. Et donc celui qui comprend ce genre de livre d'une bonne compréhension et à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite la chose, alors on peut lui faire la bonne annonce. Surtout s'il continue, il n'a de cesse d'étudier cette matière et de lire différents écrits sur le sujet. On lui fait la bonne annonce de la réussite. وكما قال ابن الوردي كل من سار على الدرب وصل. Et comme l'a dit Ibn al-Wardi, toute personne qui suit les pas arrivera. Toute personne qui suit les pas arrivera à destination. Suit les pas de qui, Karim? Suit les pas du prophète, alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons. Ou suit les pas des ulémas. Toute personne qui suit les pas de ce groupe se verra arriver à destination, c'est-à-dire, il atteindra l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Non. طيب معك الكتاب طيب donc là on va lire directement du livre de Cheikh Al-Uthaymeen et à chaque parole du Cheikh où on trouve une explication de Cheikh Saïd on s'arrêtera et on expliquera avec l'explication de Cheikh Saïd. طيب قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما وبعد. فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله عز وجل. Donc Cheikh Al-Uthaymeen, il commence par ce qu'on appelle tout d'abord al-basmala, et ensuite il évoque ce qu'on appelle khutbatul haja. Khutbatul haja, c'est une sorte d'introduction avant de dire un discours ou d'écrire un quelconque écrit important. Il est bon de précéder toute parole de ce genre d'introduction. Ouais. Ensuite, il dit وَبَعْدْ la foi au nom d'Allah et à ses attributs est un des piliers de la foi en Allah Azza wa Jal. La foi au nom d'Allah Azza wa Jal et de ses attributs est un des piliers de la foi en lui. وهي الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. Et donc, la foi en Allah, c'est la foi, avoir foi en sa présence, avoir foi en sa seigneurie, avoir foi en sa divinité, et avoir foi en ses noms et attributs. Là, on est toujours dans les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen. ثم قال وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة. نعم. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen dit que l'unicité d'Allah Azza wa Jal, elle se compose de trois catégories. L'unicité d'Allah Azza wa Jal se compose de trois catégories. Lesquelles, ya Safiyan? Voilà. Tawhid mada wa mada wa mada. Tawhid al-Rububiyya, le tawhid de la seigneurie. Naam. Wa tawhid al-Uluhiyya. وتوحيد الأسماء والصفات أحسنت لله درك. نعم. طيب. فشيخ سعيد يقول عند هذا القول يقول وهذا قد حصل إنكاره من المشركين. Et les mushrikin, les associateurs, les polythéistes du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont reconnu d'une manière générale le tawhid al-rububiyya. Le tawhid al-rububiyya, d'une manière générale, il a été reconnu par les polythéistes. Wala in sa'altahum mada. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. Ça veut dire qu'ils reconnaissent, ils ont reconnu l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie. Maintenant, ils ne l'ont pas reconnu dans toutes les parties de la chose. Par exemple, on a le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ماذا يعني من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب ومن كان مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. Le prophète sallam nous dit dans un hadith que celui qui prétend que, ou qui dit que la pluie est descendue par un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Celui-là, il est croyant en moi et il m'écroit aux astres, au pouvoir des astres. Tandis que celui qui dit le contraire, qui dit que la pluie est descendue uniquement par le pouvoir des astres, lui, il m'écroit en moi, c'est-à-dire il m'écroit en Allah, et maintenant, il croit aux astres. Taïb, ce hadith-là, il montre que au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait bien des gens qui croyaient aux astres, qu'ils pouvaient influencer l'univers, ou du moins la pluie, sans une quelconque ingérence de la part d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est du kufr et du shirk. Tamam ? Mais c'est du shirk dans quelle catégorie ? C'est du kufr dans quelle, ou du shirk dans quelle catégorie de tawhid ? Dans le tawhid al-rububiyya. Le tawhid al-rububiyya, le tawhid de la seigneurie. Parce que le tawhid de la seigneurie, en vérité, comment il est défini ? Qui peut nous donner la définition du tawhid al-rububiyya ? C'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans ce qui concerne la création. Les œuvres en fait d'Allah envers la créature et la création, c'est-à-dire celui qui a toujours la subsistance, qui fait vivre, mourir. Le fait de dire que c'est Allah seul qui fait vivre, c'est lui seul qui fait mourir et qui fait mada, qui fait descendre la pluie, c'est lui seul qui fait descendre le rizq. La subsistance, ou autre. Tout ça, ça rentre dans le tawhid al-rububiyya. Donc, lorsque ces mushrikines, ils ont lié la descente de la pluie avec autre qu'Allah, ils ont associé à Allah Azza wa Jal dans ce tawhid-là. Dans ce tawhid-là. Donc là, on voit que, on constate que les mushrikines, certes, ils ont cru en Allah, ils ont cru au tawhid al-rububiyya, d'une manière générale, mais pas d'une manière absolue. C'est-à-dire, tu vas leur demander qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire Allah. Tu vas leur demander qui fait vivre et qui fait mourir, ils vont te dire Allah. Mais lorsque, par exemple, il y a la descente de la pluie, ils vont pas dire c'est Allah qui a fait descendre la pluie, ils vont dire c'est tel et tel astre. Donc dans une partie du tawhid al-rububiyya, vous allez trouver qu'ils ne sont pas soumis à Allah Azza wa Jal. Pareil, en ce qui concerne les noms et les attributs. Pareil en ce qui concerne les noms et les attributs. Est-ce qu'ils ont cru en tous les noms d'Allah Azza wa Jal ? Hein ? Ils n'ont pas cru en tous les noms d'Allah. Il y en a au moins un qu'ils ont rejeté d'une manière avérée. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a évoqué dans le Coran, c'est Ar-Rahman. نعم قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. Et lorsqu'on leur demande de se prosterner pour Ar-Rahman, ils répondent qui est ce Rahman, qui est ce Rahman. Donc ils ont réfuté le nom d'Allah Ar-Rahman. على كل حال سوف نكمل ونواصل في ذلك في درس الآتي. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس.